J'ai choisi la gastro comme seul guerre intestine. J'ai choisi le prêche-camp, d'autres vocifèrent et fulminent. Contre les vilains, à l'instar de Van Helsing, j'erre dans les cimetières que des feux follets illuminent. J'ai choisi de mettre à mal mon côté obscur qui vivra, verra mon ami. Tente avec moi cette aventure. Si la peur tétanise, ton esprit t'habite et ton cœur. Et confiance en l'éminence grise et réveille ton côté trappeur. Au bal des vampires, on prépare un prochain carnage. Sur les dance floors nébuleux, pousse entre nous des gens bien sages. Plus que leur cœur piteux et leur haleine nécrophage. Je préfère les chemins tortueux où l'on canalise sa rage. Contre les filles de la peur, régulant le flot des embrouilles. Je préfère un bond direct au cœur qu'un mauvais coup de pied dans les couilles. Je préfère une joute franche et sans équivoque. Plus que le découpage en tranches des idées de notre époque. Nous tenterons la gauche, choisirons les skiffrons. À l'armée de nos lames, nous faucherons la mauvaise herbe nationale. Décapitons les têtes, d'où germe la colère. Gardons les nôtres sur les épaules, en tête à tête avec nos frères. Armés de balles d'argent, à l'assaut des morts vivants. Derrière moi, il y a la confrérie, alors moi j'ose aller devant. Sans uniforme et nul, le pieu fièrement dressé en ligne. Même si la cause semble perdue, nous nous passerons devant Nepsine. J'ai choisi la gastro comme seule guerre intestine. J'ai choisi le prêche-camp, autre vocifère et fulmine. Contre les vilains, à l'instar de Van Helsing, j'erre dans les cimetières que des feux follets illuminent. J'ai choisi de mettre à mal mon côté obscur qui vivra, verra mon ami. Tente avec moi cette aventure. Si la peur tétanise, ton esprit t'habite et ton cœur. Et confiance en l'éminence grise et réveille ton côté trappeur. Au bal des vampires, on prépare un prochain carnage. Sur les dance floors nébuleux, où se trémoussent des gens bien sages. Plus que leur cœur piteux et leur haleine nécrophage. Je préfère les chemins tortueux où l'on canalise sa rage. Contre les fées de la peur, régulant le flot des embrouilles. Je préfère un bond direct au cœur qu'un mauvais coup de pied dans les couilles. Je préfère une joute franche et sans équivoque. Plus que le découpage en tranches des idées de notre époque. Nous tenterons la gauche, choisirons l'esquisse frontale. Armes de nos lames, nous faucherons la mauvaise herbe nationale. Décapitons les têtes, d'où germe la colère. Gardons les nôtres sur les épaules, en tête à tête avec nos frères. Armés de balles d'argent, à l'assaut des morts vivants. Derrière moi, il y a la confrérie, alors moi j'ose aller devant. Sans uniforme et nul, le pieu fièrement dressé en ligne. Même si la cause semble perdue, nous nous passerons devant même signe. Nous nous passerons de Van Helsing. Nous nous passerons de Van Helsing.